contexte sur une mare de sang, sur un MC percuté à 200. On se met à l'abri quand se lève le vent, frère, je suis irrattrapable comme le temps. Le temps que tu paieras, lâcher des beats. Fresh au studio, je lâche, fais des hits. Tellement violent qu'en ce moment on m'évite. On vient d'Afrique, ouais, des aides on mérite. Ah, tu sais quoi, j'ai un passé triste, ouais, dans le passé j'ai cassé des vitrines. Tout ça pour brasser la casser en vitrine. J'ai eu les bracelets, la daronne est si triste. Débarque dans ma tête pour frapper ton tête. On a ton adresse, zéro politesse. Cassé dans le coffre, de 20 sur A7. Par Picasso, je fais des picassiettes. Cherche la dose, c'est 13ème art. Non, merci pour les avances, c'est 13ème art. Tu sais de quoi t'as l'air, sincèrement. D'une pute qui a l'air, qui dit baisez-moi. Indémodable comme le théorème de Pythagore, pauvre con. J'ai rappé, je fais du rap à Pythagore profond. Fais les billets, les billets, billets, billets, billets. Ouais, j'suis crié, et j'suis grillé, grillé, grillé, grillé. On veut les billets, fais les crier, crier, crier, crier. Pour les billets, et j'suis grillé, grillé, grillé, grillé. Ouais, pour la monnaie, la monnaie, la monnaie. J'tourne toute la noche, la noche, la noche. Ouais, pour la monnaie, la monnaie, la monnaie. J'tourne toute la noche, la noche, la noche. On va les crier, you le, on va les plier, you le, on va les crier, you le, on va les billets, you le. Inattendu comme la claque à papa. Là tu l'as dans le cul, t'es qu'un incapable. Appelle-moi Dracula, frère sans blague à part. On sort que la nuit mes vampires dans la part. Tu parles à tes genoux, je parle à mes proches bâtards. Je te frappe avec le pied et la main, proche patate. J'arrive, je débarque, tu all bâtard. D'où il sort tes speed, tu all bâtard. Renfort c'est ton rappeur préféré, je trouve ça mortel. La seule fois où t'as tiré mon pote dans les cortèges. Bibi, j'bibi, ouais je veux les poches pleines. Bibi, bibi, pardonne-moi si c'était de la peine. Ah, tu me cherches, je suis dans le sud. Dans le sud, nique le PJ, je suis dans le sud. Nique le PJ, je suis dans le sud. Fais les billets, les billets, billets, billets, billets. Ouais, j'suis qui, et j'suis grillé, grillé, grillé, grillé. On veut les billets, fais les quiller, quiller, quiller, quiller. Pour les billets, et j'suis grillé, grillé, grillé, grillé. Ouais, pour la monnaie, la monnaie, la monnaie. J'tourne toute la noche, la noche, la noche. Ouais, pour la monnaie, la monnaie, la monnaie. J'tourne toute la noche.